d'essence pour nos moteurs. Mon Dieu, quelle horreur! Plus de fioul dans nos chaudières. Seigneur, quel enfer! Un peu partout, ça va mal. L'énergie se fait la malle. On va retourner, c'est fatal, du côté néandertal. SOS, quelle détresse, l'énergie est en baisse. SOS, c'est le stress, l'énergie est en baisse. Chauffe qui peut. Je baignais dans le super. Je faisais venir mon bois d'Iran. J'avais chaud tout le temps. Aujourd'hui j'ai froid, j'ai peur. J'ai bouffé mes radiateurs. Si ça continue, faudra qu'on chauffe à la Yatola. SOS, quelle détresse, l'énergie est en baisse. SOS, c'est le stress, l'énergie est en baisse. Chauffe qui peut, oh, chauffe qui peut. J'ai une centrale nucléaire dans ma grosse molaire. J'ai une petite éolienne sous la boîte crânienne. J'ai dans le grand sympathique le solaire et l'hydraulique. Je suis paré pour la crise. Vous pouvez brancher la prise. SOS, quelle détresse, l'énergie est en baisse. SOS, c'est le stress, l'énergie est en baisse. Chauffe qui peut, oh, chauffe qui peut. SOS, quelle détresse, l'énergie est en baisse. SOS, c'est le stress, l'énergie est en baisse. Chauffe qui peut, oh, chauffe qui peut. SOS.